Cet été, pour profiter des fêtes de semaine au camping en famille. Parce que la COVID-19 est toujours là, il ne faut pas lâcher. Il faut continuer de bien se protéger. Face à un virus aussi malsain, on doit tous se laver les mains. Tous contre un, tous contre la COVID-19. Un message du gouvernement du Québec. Bonsoir, chers auditeurs et chères auditrices. Bienvenue à l'Aérospatiale. L'Aérospatiale, c'est votre magazine radiophonique sur les arts visuels à Québec. Nous sommes toujours sur les ondes de CKRL 89.1 et c'est Jean-Tienne Lafrance qui est avec vous ce soir à l'animation. Myriam Leland nous a préparé beaucoup d'entrevues et moi, je suis présente en studio avec Jacques Gignac qui s'occupe de la mise en onde aujourd'hui. Et ce soir, on a une entrevue avec Alice Guéricolas Gagné et Mélina Kéroas, qui sont le collectif Les Tyroliennes Saint-Jeanbiennes, donc qui vont nous parler d'un parcours théâtral et d'exposition dans les fenêtres du quartier Saint-Jean-Baptiste, parce que Saint-Jambe, c'est Saint-Jean-Baptiste, c'est leur petit nom qu'elles donnent au quartier. Et c'est ce projet-là se tisse autour de cette idée que la montée des eaux va créer une île avec Saint-Jean-Baptiste, et elles sont parties à la rencontre des citoyens du quartier pour générer ce très, très beau projet. Donc, Myriam Leland est allée les rencontrer au Parc Victoria cette semaine. Ensuite, c'est Jean-Michel René qui va nous faire un retour sur l'exposition « Ruse et ravissement, études plus ou moins exactes du monde ». Donc, c'est la nouvelle exposition de Claudie Gagnon qui vient tout juste de commencer à la Galerie 3. Et ensuite, en dernière partie d'émission, un entretien que Myriam a fait avec Ilana Pichon, qui a travaillé sur un projet d'envergure sur le sol autour du Musée national des beaux-arts du Québec, donc un projet qui se nomme « Forme du quotidien ». Donc l'artiste est parti à la recherche de motifs sur Google Maps et elle les a simplifiés pour en faire des motifs qui s'étalent comme ça au sol, et on va en savoir un peu plus en deuxième partie d'émission. Et la sélection audio ce soir, c'est Myriam qui nous l'offre. Donc, c'est la chanteuse, poète et narratrice montréalaise, Xela Edna. Et en duo avec le producteur électro, Eyus Echo, elle présente l'album Alter Ego. Donc, c'est un album de chansons électro house. Vous allez voir, c'est assez entraînant. Et on va commencer avec un premier extrait, tout juste avant l'entrevue sur la montée des eaux. Donc, le premier extrait se nomme « Tes mains sur moi ». Scénario favori, fantasmagorie. en chambre de loris, d'avoir trop aimé, aimé sans félonie, sans aucune saloperie. Euphorie de possibilités, un cœur qui glande un peu plus léger. Un peu plus léger. Je veux tes mains sur moi, recto verso. Je suis présentement au Parc Victoria avec Alice Guéricola-Gagné et Mélina Kerouas. Bonjour. Je dis bonsoir parce que l'émission va être diffusée le mercredi soir. Donc, vous deux, vous êtes le collectif Les Tyroliennes Saint-Jean-Bienne. C'est parti, en fait, de vos pratiques respectives, chacun de votre côté. Alice, t'es plutôt poète-écrivaine. Puis Mélina, t'es plutôt artiste visuel. Tu joues beaucoup avec le projecteur, si j'ai bien compris. Oui, avec des rétroprojecteurs de classe. OK. Fait que c'est toute analogie. Oui, c'est ça. Puis tu joues beaucoup avec les matières recyclées, récupérées, liquides, ouais, même. La matière naturelle, un peu tout ce qu'on trouve qui prend un autre visage sur le projecteur. Puis les effets optiques aussi. D'accord. Puis ça, c'est une pratique que t'avais avant que vous deveniez un collectif. Oui, puis qu'on a beaucoup développé ensemble aussi. OK, donc la pratique a évolué avec le collectif, même si ça existait avant. Puis Alice, toi, t'as publié un roman en 2018, si je ne me trompe pas, oui. Qui s'appelle Saint-Jambes. Puis en fait, c'est un peu ce roman-là qui a parti ce pourquoi on se parle aujourd'hui, le projet La Montée des Eaux. Expliquez-moi ce que c'est La Montée des Eaux. Bien, puis aux auditeurs aussi. Oui, en fait, c'est un projet, effectivement, qui s'inscrit dans le sillage des histoires que j'avais écrites puis qu'on a, entre autres, racontées ensemble dans le cadre des spectacles qu'on faisait depuis 2016. Puis, à un moment donné, il y a une histoire dans tout ça qui s'appelle Les Grandes Marées, où je raconte que les eaux ont monté autour de la basse ville puis que le quartier, finalement, a été bordé par la mer. Par la suite, je pense que ce qui a déclenché un peu l'idée de ce projet-là, c'est que j'ai rencontré le travail de Sébastien Brunel, oui. Qui a par la suite fait la page couverture de mon roman. Et lui, il avait fait une série de son quartier de Lyon qui s'appelle La Croix-Rousse, où il imaginait que les eaux avaient monté autour de son quartier, qui est installé sur une petite colline. Et donc, c'était les images qui représentaient cette petite île très fantastique. Et ça, ces illustrations-là, ça a été fait avant qu'il ait connaissance de ton roman? Oui, oui, tout à fait. Donc, c'était juste un très bel addon. Oui, tout à fait. Puis ça a été comme le point de départ de tout ça, je dirais. Wow, OK. Puis dans le fond, le projet La Montée des Eaux, ça s'est fait en plusieurs étapes. Donc, avant La Montée des Eaux, vous étiez déjà un collectif, puisque ça fait depuis 2016 que vous créez collectivement. Puis, il y a eu une première étape où vous avez rencontré des gens à la Maison de la littérature lors d'une résidence pour demander... Bien, quelle était la question, en fait, que vous posiez aux gens? Donc, la question, c'était, advenant que le quartier Saint-Jean-Baptiste devienne une île, quelle serait votre utopie pour ce monde? D'accord. Un genre d'utopie post-apocalyptique. Oui, parce D'accord. qu'en fait, le récit des grandes marées qu'il y a dans le roman, moi, j'ai toujours compris ça comme un prétexte à recréer le monde, en okay. faisant disparaître un peu ce qui nous accorde. Mm-hmm. Donc, dans ce processus-là, on a rencontré plein de gens du quartier pendant une dizaine de jours qui sont venus nous parler du quartier puis de la ville en général, là, parce que tout ce qui est autour de l'île aussi. Oui! puis de là, on a tiré beaucoup de matière, beaucoup d'inspiration pour venir créer qu'est-ce qu'on voit dans les images, puis c'est quoi ce monde-là, qu'est-ce que les gens rêvent, qu'est-ce qu'ils veulent. C'est très particulier parce que Saint-Jean-Baptiste, il y a toute une géographie, il y a toute une architecture à laquelle l'utopie doit se modeler. Mm-hmm. Donc, c'est très particulier à ce quartier-là, ce qui est ressorti. C'est vraiment intéressant. Puis, vous avez fait ça pendant une journée, pendant un après-midi, la collecte de témoignages. C'était pendant une dizaine de jours. Une dizaine de jours, dans différents okay. lieux autour de la rue Saint-Jean. Donc, d'accord. on était à la bibliothèque, on était au Foubar. On avait différents créneaux horaires ouais. pour s'adresser à différents types de personnes. Bien, c'est ça que j'allais dire. C'est intéressant. Ça varie oui. beaucoup les expériences d'où proviennent ces récits-là. Oui. Puis aussi, on avait Sébastien Brunel oui. qui était là pendant une bonne partie de la collecte. Donc, c'était comme un moment très dense à la fois de... Ouais. D'exploration urbaine, de oui. rencontre citoyenne. Puis de découverte aussi, parce que je crois que pour Sébastien, c'était la première fois qu'il visitait ce quartier-là. Tout à fait. Fait qu'il y a eu un travail assez conséquent de promenade, de racontage, de rencontre et de choix, en quelque sorte, de point de vue qui allait être représenté. Donc là, on a arpenté les rues, on est allé prendre des photos pour trouver les meilleurs points de vue, essayer de trouver les histoires ouais. qui allaient se cacher derrière chaque image, parce que chaque image raconte une histoire, et de concert, évidemment, avec la collecte de témoignages. Mm-hmm. Mais la collecte de témoignages, je dirais, ça nous a pris du temps à l'assimiler, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites sur le coup qui n'ont pas nécessairement... qui n'ont pas nécessairement percolé dans notre mm-hmm. esprit directement, ça mais plus tard. Ça a mijoté tranquillement, oui. Mais puis j'imagine qu'à force... Est-ce que vous habitez dans le quartier Saint-Jean-Baptiste, les deux? Plus maintenant. Non, plus maintenant. Est-ce que quand vous avez commencé à faire ça, vous habitiez le quartier? Donc, à force de se promener, j'imagine aussi qu'il y a certaines choses qui remontent. Puis là, tu vois un building, puis tu te dis, ah, oh, c'est vrai, telle personne a dit telle chose. J'imagine qu'à force de déambuler aussi, ça profite au processus créatif. Oui, puis aussi l'amalgame entre tous les témoignages, parce que les gens avaient tous quelque chose de différent, avaient toutes des questions, des préoccupations différentes, mais aussi convergentes. Puis cette rencontre-là, je pense que ça a pris longtemps pour que tout se dépose, puis que ça tisse quelque chose qui se tienne. Puis ça, c'est quand Alice a commencé à écrire les textes qui accompagnent les images que c'était vraiment très puissant là, pour moi de venir lire puis revoir toute cette matière-là qui sortait ouais. plusieurs mois plus tard. Là. Oui, je travaillais de concert avec les images pour essayer de raconter au-delà de ce que l'image dit. Ouais. C'est quoi l'histoire? Pour créer une œuvre en tant que telle et non que ce soit seulement une narration des images. Oui, tout à fait. Aller au-delà de la simple légende. Ouais. Puis donc, à ce moment-là, d'écriture qui a commencé peut-être fin avril, début mai, là, il y a plein de choses qui ont commencé à remonter, justement, de la collecte de témoignages, de toutes les discussions qu'on avait eues, mm-hmm. mais aussi de tout le processus de recherche de fenêtres et de lieux, parce que ça a commencé en février. Mm-hmm. Le toc-toc... Bonjour, est-ce qu'on peut mettre une image? Puis ça, à l'air de rien, ça a quand même beaucoup nourri le processus, parce que moi, c'est sûr que j'ai été élevée dans Saint-Jean-Baptiste, donc ouais. je connais beaucoup de monde, je connais bien le quartier, tout ça. Mais en faisant ce processus-là de recherche de fenêtres, il y a pratiquement personne dans les gens qui exposent en ce moment que je connaissais avant. Ah, ben c'est intéressant. Donc, ça te fait découvrir ton quartier. C'est ça. À toi aussi. Donc, ça a amené plein de nouvelles personnes, toute une nouvelle atmosphère. Ah, ouais. Donc, tout ça a fait en sorte que c'est devenu de plus en plus riche et nourri, ouais. je dirais. C'est quand même intéressant aussi, parce que, Mélina, tu parlais du processus, comme quoi vous avez laissé tomber un peu les rencontres, justement, puis laissé tout ça se concrétiser. Ça fait un peu penser, justement, à une montée des eaux. Quand il y a des marées qui montent, qui descendent, ça brasse le fond, puis ça fait tout remonter jusqu'à temps que ça retombe dans le fond. C'est assez poétique comme processus. Puis en fait, là, tu parles, Alice, des fenêtres, justement, dans lesquelles ce sera exposé. On n'a pas parlé, justement, des détails concrètement. Ce que ça donne, c'est deux week-ends de représentation pour un parcours théâtral avec une exposition qui dure jusqu'au 13 octobre. Puis à quoi peut-on s'attendre? Qu'est-ce qu'on va voir quand on va voir la montée des eaux? qu'est-ce qu'on va vivre, en fait, quand on va voir la montée des eaux? Je dirais un voyage. Une découverte d'un ailleurs qui est à la fois proche et pas si proche que ça. Mélina, pour toi, qu'est-ce que ça représente, la montée des eaux? À quoi peut-on s'attendre? Je pense que c'est un peu une redécouverte ou une magnification du quartier à travers des personnages très excentriques et fantasques, mais vraiment dans un décor qu'on accepte complètement. Donc, ça nous fait redécouvrir un décor du quotidien, un peu pour les gens qui habitent ce quartier. Peut-être redécouvrir un nouveau quartier pour ceux qui le connaissent un peu moins. Même des nouveaux endroits, apparemment. Oui, ouais. C'est ça, parce que même les gens qui le connaissent bien, ils connaissent pas nécessairement les lieux où on a comme posé nos valises, entre guillemets, parce que c'est beaucoup des stationnements, des cours. C'est pas des endroits très... C'est pas le parvis de l'église, mettons, là. Oui, je comprends. Donc, c'est des endroits qui sont un peu moins connus, puis quand on prend le temps de s'y arrêter, on voit la beauté, là, quelque chose qu'on n'avait pas nécessairement pensé découvrir. C'était un peu une des prémices du parcours, en fait, d'utiliser le quartier comme décor, puis comme matière première pour faire que le spectacle émerge. C'est vraiment intéressant parce que, bon, c'est une entrevue préenregistrée. J'en ai enregistré une autre pour l'émission du 16 septembre avec Ilana Pichon, qui a fait une œuvre au Musée national des Beaux-Arts, qui s'inspire beaucoup, justement, de la déambulation dans les quartiers. Puis votre démarche se ressemble, même si ça donne des œuvres complètement différentes. C'est très intéressant de voir ce parallèle-là. Puis je pense que le confinement a apporté aux gens aussi beaucoup cette notion-là de déambuler dans son propre quartier, d'être touriste dans sa ville aussi. Bien, merci beaucoup Alice et Mélina qui forment les Tyroliennes Saint-Jean-Vienne. Donc la montée des eaux, comme je disais, c'est une exposition qui est présentée dans les fenêtres du quartier Saint-Jean-Baptiste ou Saint-Jean de l'île Saint-Jean-Vienne jusqu'au 13 octobre. La carte des œuvres qui sont exposées dans les fenêtres est disponible sur le site web ou à la librairie Saint-Jean-Baptiste. Il y a également le parcours théâtral qui a déjà eu des représentations la fin de semaine passée. Mais il y a également le 25 et 26 septembre. La réservation est nécessaire et c'est 10 $ par personne. Vous pouvez écrire à l'adresse qui se trouve sur le site web, donc c'est saint-jambes.com. Bien, je vous souhaite un bon succès. Je crois que c'est déjà bien parti, puis j'ai très hâte de voir vos autres projets. Bonsoir, Jean-Michel René. Alors, bonsoir, Jean-Michel René. J'entends? Oui! Oui! Donc, on a des petits bugs parce que Jacques me fait mon training, comme on dit en bon chinois, pour la mise en onde. Et j'apprends à faire un appel en ce moment et je le fais avec Jean-René. Jean-René, je t'ai appelé Jean-René. Jean-Michel René. C'est le stress. Je ne suis pas la première ni la dernière à t'appeler Jean-René, mais non. Jean-Michel René, bonsoir. Bonsoir, ça va bien? Oui, toi? Oui, oui. Donc, on s'est croisés à l'exposition de Claudie Gagnon samedi dernier. Oui. Et c'est une très belle expo. Oui, oui, c'est vraiment c'est super génial. Puis, je veux dire, je pense que ça faisait bien d'aller voir des expositions là, avec la pandémie. Oui. Avoir une belle rentrée culturelle comme ça, là, j'ai vraiment apprécié. Surtout une exposition de Claudie. Oui, oui, ça fait vraiment du bien. C'est vraiment c'est super. Donc, mais c'est ça. J'ai été voir l'exposition, mais on s'est croisé à l'exposition Russe et ravissement, étude plus ou moins exacte du monde de Claudie Gagnon. C'est le titre de l'expo. Oui, étude plus ou moins exacte du monde, c'est quand même assez nébuleux, mais Ruse et ravissement, il y a vraiment quelque chose, dès qu'on entre dans la salle d'exposition, il y a un clin d'œil à ce titre-là. Oui, oui, vraiment. En fait, c'est ça, c'est l'exposition à Galerie 3, en fait, quand on rentre dans l'espace, il y a trois tapisseries, je pourrais dire, ou broderies, qui nous accueillent, en fait, dans l'espace, sur lesquelles il est inscrit... est brodé avec du fil doré, c'est inscrit les mots ravir, temps et paradis. Puis c'est vraiment des mots qui nous guident, je dirais, à travers l'exposition, qui guident un peu notre compréhension un peu de la présentation. Donc, on est vraiment dans une exposition, c'est du grand Claude Gagnon, c'est vraiment, on est encore dans l'émerveillement, puis dans des propositions qui sont de l'ordre du jeu visuel aussi, des petites curiosités et mystères. Je dirais que c'est une exposition qui est très... pas équilibrée, mais je veux dire, visuellement, c'est très agréable à regarder. Il y a vraiment une cohérence dans la mise en espace. J'ai vraiment apprécié à ce niveau-là. Oui, on est dans le vert. Le vert est extrêmement présent et le vert clair. Hein? Donc, il y a très, très peu de nuances de couleurs. Oui, c'est ça. Mais quand on rentre dans l'espace, en fait, il y a une première section qui nous présente essentiellement des mobiles. Qu'on a déjà mais en fait, c'est la plupart des œuvres qui sont présentées dans l'exposition, c'est des œuvres qui sont très récentes. C'était vraiment c'était très génial de voir des nouvelles productions. Puis on rentre dans l'espace, puis c'est des propositions de modèles qui sont toutes dans les teintes transparentes. On est beaucoup dans l'utilisation du verre, du cristal, des Pyrex aussi. Oui, des clins d'œil à la science qui justement, tu parlais de cohérence, Jean-Michel. Il y a vraiment une exploration autour des motifs scientifiques dans cette exposition-là qui s'affirme dans la pratique de Claudie Gagnon. Oui, oui, on est beaucoup dans... En fait, je voulais peut-être parler les mots qui sont dus au début dans l'œuvre « Ravir, temps et paradis ». L'idée de ravir, justement, je trouvais qu'il y avait quelque chose de l'émerveillement et aussi de... Parce que ravir, on peut l'utiliser comme un terme comme émerveillé, mais aussi on peut l'utiliser comme le terme d'enlever à quelque chose. Puis je trouve qu'il y a vraiment ce jeu-là de la collection, mais aussi toutes les thématiques qui entourent l'entomologie, un peu que Claude Gagnon a utilisé souvent, ou des références aux sciences naturelles, des choses comme ça. Il y a beaucoup de cette accumulation d'objets et d'éléments-là qui se retrouvent dans ce qui est présenté. Quel ravi à la nature pour se les approprier dans son œuvre? Bien, un peu à la manière de, je dirais, comme à la manière d'une personne qui collectionne, parce qu'il y a beaucoup de ça dans son travail, il y a beaucoup d'accumulation d'objets, de collectionnements qui sont réintégrés par la suite dans des pièces. Mais je trouvais que la première section était beaucoup autour de cette thématique-là. On est beaucoup population, mais il y a des insectes qui sont comme capturés dans des petits T-Rex, puis ensuite... Avec les feuilles aussi, des éléments végétaux où on a gardé seulement que les nervures. Oui, c'est ça. C'est tout en délicatesse, puis c'est vraiment dans cet univers, je trouve que c'est dans cet univers-là. Si on peut peut-être enchaîner avec d'autres sections qui sont dans l'exposition aussi, il y a quelque chose qui m'a vraiment marqué. On traite souvent de l'humain dans le travail de Claudie, puis il y a une section qui est un peu plus, je dirais, autour du corps. On a des œuvres qui étaient, je pense, qui étaient inspirées de fables qui avaient déjà été présentées au Centre Pagne, si je ne me trompe pas. Puis, en fait, c'est des œuvres qui sont tirées de fables, mais on est beaucoup dans des thématiques de l'être humain. Mais il y a aussi un mobile où on retrouve des anciennes illustrations d'organes qui nous paraissent tirées d'ouvrages scientifiques. C'est assez frappant, là, ce mobile-là en particulier. Oui, c'est ça, on est beaucoup je trouve qu'il y a une certaine fluidité dans ces œuvres-là, ou dans l'organique de l'humain aussi, où je pense, entre autres, à un mobile où il y a une perruque, une sorte de fluidité dans l'utilisation des matériaux aussi, ou un contraste entre justement ces objets qui sont plus les objets de science, comme par rapport à tous les T-Rex justement scientifiques, puis tous ces caractères un peu plus humains, organiques. Il y a comme une sorte de, je trouve, une fluidité. En tout cas, c'est à voir à la Galerie 3. Merci beaucoup, Jean-Michel, pour cette première entrevue téléphonique. Oui. Et on se redonne rendez-vous. Et pour nous, c'est une pause publicitaire. Bonne soirée. Okay. Bonne soirée. CKRL 89.1. La COVID-19 est un virus extrêmement contagieux. Mais on peut freiner sa transmission sans freiner ses envies de voir des gens. Quand on invite son entourage à la maison, au chalet, c'est 10 personnes maximum, c'est 2 mètres de distance entre les gens. Ce sont des verres, des assiettes identifiées. C'est éviter de partager les objets. C'est se laver les mains régulièrement pendant au moins 20 secondes. C'est nettoyer les surfaces communes. Puis, c'est demeurer vigilant. Le virus est toujours présent. On continue de bien se protéger. Un message du gouvernement du Québec. Opter pour un mode de consommation responsable tout en encourageant l'économie locale, c'est ce que vous proposent la brasserie artisanale La Korrigane et les boutiques La Récolte. Pour tout achat de 20 $ et plus dans l'une des deux boutiques La Récolte, vous recevrez un jeton de 2 $ valable pour un cruchon d'un litre de bière à La Korrigane. Et parce que nous aimons bien faire les choses, même nos jetons sont fabriqués de façon éco-responsable, à partir de filets de pêche qui auraient autrement fini à la poubelle. La Korrigane, 380 rue Dorchester. Choisir ÉricLamirande.ca, c'est miser sur l'expertise de Éric Lamirande ainsi que sur son équipe de collaborateurs professionnels. On vous offre des services de consultation, accompagnement et formation dans les domaines suivants: marketing web et réseaux sociaux, commerce électronique, virage numérique et outils technologiques d'affaires. Pour les travailleurs autonomes, les petites entreprises, les organismes et l'économie sociale. Notre but, vous aider à avancer et vous rendre plus autonome. Contactez-nous au 88 454 1019 ou à ericlamirande.ca. Manque. Manque d'argent. Manque de temps. Manque de toi. Manque. Nom masculin singulier dans ses pluralités. Manque fait de manquer, chance. Absence ou insuffisance de quelque chose. Et vous, qu'est-ce qui vous manque? Un parcours théâtral et déambulatoire présenté aux alentours du Théâtre Premier Acte du 15 au 26 septembre dès 20h. Manque, un spectacle de théâtre escarpé en collaboration avec Premier Acte. Réservation de votre départ à lepointdevente.com. Manque. Audiolite. Amplificateur pour casque d'écoute, amplificateur de puissance, lecteur CD, table tournante, enceinte multiple d'extérieur ou Wi-Fi Bluetooth, système compact de cinéma maison. Audiolite, 50 ans de tradition et d'innovation. Toujours spécialiste en son et image. Audiolite.qc.ca. Alimentex, épicerie certifiée biologique avec produits de santé naturelle à Québec. Formules et suppléments, aliments biologiques, produits de beauté et tisanes. Notre boutique située à Limoilou offre un vaste choix de produits naturels santé. 10% sur tous les produits à prix régulier en magasin le premier jour ouvrable du mois. Visitez notre boutique en ligne pour découvrir les formules Alimentex. alimentex.ca, 11 88 1ère avenue Limoilou, 88 529 79 88. Sur les ondes de CKRL 89.1, Myriam Leland au micro et j'ai avec moi Ilana Pichon. Bonsoir. Allô Myriam, comment ça va? Ça va très bien, toi? Oui. Ilana, on avait envie de te recevoir à l'émission parce que, plein de choses, parce que tu es une artiste prolifique, mais ce qui a attiré notre attention dans les dernières semaines, c'était ta résidence au MNBAC. Mm-hmm. C'était au mois d'août. Oui. Puis tu me disais justement que tu avais l'impression que ça faisait une éternité que c'était terminé, mais c'était seulement il y a 3 semaines environ. Ben, en fait, j'ai terminé il y a 3 semaines, mais c'est ça, c'est une résidence qui s'est étalée sur quand même, on va dire, plusieurs mois. Ça a commencé un petit peu plus tôt, en à peu près mai-juin, où il y a eu un début de recherche, je dirais juin, mais l'idéation elle a pris quelques semaines. Puis après ça, il y a eu une petite pause où je suis allée peindre ailleurs jusqu'à Repentigny. Puis quand je suis revenue ici, ben, je suis venue peindre dehors pendant la belle saison, avant qu'il fasse moins 12. Oui, c'est peut-être pour ça que j'ai l'impression que c'était il y a plus longtemps que ça. Le changement de température a été assez drastique, en effet. Oui. Mais c'est une résidence qui s'est comme déroulée en deux temps, on va dire. Il y avait quelque chose qui était plus au niveau intérieur, enfin, pas intérieur, mais devant l'ordinateur. Oui, puis en fait, c'était très intéressant. Je pense que c'est quelque chose qui est récurrent dans ma pratique, c'est-à-dire que j'ai souvent de la recherche qui est faite sur l'ordinateur ou sur place si je suis capable d'aller. Là, je couvrais le territoire entier de la ville de Québec et quand j'étais en recherche, on n'était pas encore en déconfinement total, donc j'avais pas le droit d'aller me promener dans d'autres quartiers. Non, c'est ça. Puis ça, c'était très statique, on va dire, comme observation. Puis après ça, ça a été beaucoup plus physique. C'est-à-dire que sur le moment d'être sur le site et de peindre, c'est un moment qui est physique à la base. Mais là, c'est vraiment dans un tellement grand format et dans un espace de jeu énorme que ça fait en sorte qu'on utilise des outils plus grands. On a un investissement de l'espace qui est plus grand. Donc aussi, un mouvement de tout notre corps qui prend plus de place. Il y a plein d'éléments que tu as pointés. Tu parlais justement de la recherche que tu as faite sur l'ordinateur parce que, comme tu disais, tu as observé les différents quartiers de la ville de Québec. Donc, c'était avec une vue à vol d'oiseau par Google Maps, par le satellite de Google. Puis ensuite, tu parles justement du moment où vous avez peint parce que tu utilises le « on » parce que tu as eu de l'aide d'Audrey de Demers-Robert. Exactement. Dans le fond, cette œuvre-là, qu'on va la nommer, c'est Forme d'un quotidien, elle s'étale sur un demi-kilomètre, je pense. Ça fait une grande, grande boucle, en fait, tout autour des pavillons du musée qui sont en arrière du La Sonde. Ouais. Et le but d'avoir une grande boucle comme ça, en fait, c'est d'intervenir à l'extérieur. Le musée avait aussi cette envie-là de COVID oublié, d'amener les gens d'une autre façon à l'extérieur. Puis ça permet, moi j'ai vraiment eu, là je vais faire une gestuelle, mais je vais l'expliquer en même temps, c'est-à-dire qu'on part d'un point A qui est la maison quand on est en confinement, puis on se promène, on fait un tour de bloc, puis on revient au même point. Normalement, quand on n'a pas... On prend une petite marche, puis on retourne au même point, en fait. Ouais. Normalement, on va souvent visiter nos amis, ou notre famille, ou d'autres places, puis on fait A à B. Là, en l'occurrence, d'avoir la boucle de cette façon-là, c'était pour rappeler cette espèce de départ d'un point A, puis de faire juste un retour. De faire une marche pour une marche. Exactement. D'autres points de retour. En fait. Oui, c'est ça. Oui. OK. Oui, c'est vraiment intéressant. Puis justement, là, on a parlé de la recherche, du moment où tu as peint, mais qu'est-ce qui joint les deux? Comment tu es partie d'une recherche sur Google Maps à des belles formes avec des couleurs solides étalées sur un demi-kilomètre? Bien, en fait, je suis revenue... Après le confinement, je suis revenue d'Allemagne, j'étais en résidence là-bas, et j'étais dans une nouvelle ville quand j'étais là-bas. J'ai vraiment aimé découvrir cette ville-là. Déambuler, justement. Exactement. Oui, vraiment la parcourir, découvrir sa cartographie. C'est très différent de ce qu'on a ici comme structure de territoire. Et en venant ici, j'ai découvert mon quartier, que j'ai pu marcher parce qu'on n'avait pas juste... on avait un terrain qui était limité, en fait, sur lequel on pouvait se promener. Donc, ça m'est jamais arrivé de parcourir autant mon quartier, mais je pense que c'était dû au fait que j'avais découvert une nouvelle ville et en même temps qu'on était confinés. Il y avait comme une dualité là-dedans intéressante. Et j'ai beaucoup aimé observer la ville, autant dans le vrai que dans la cartographie, parce que pour moi, c'est important d'avoir ces deux layers-là, si je peux dire, pour comprendre un espace, c'est-à-dire que c'est en plan et en vrai. Ouais. Et là, ça m'a permis de voyager dans ma ville, d'une certaine façon, sans me déplacer. Mais il y a vraiment des spécificités territoriales que je trouve magiques. J'ai déjà fait cet exercice-là avec Winnipeg. Il y avait une portion de territoire que j'avais observée de cette façon-là pour créer une œuvre sur un pont piéton, aussi au sol. Okay. Donc, c'est quelque chose qui m'interpelle beaucoup, c'est-à-dire de regarder à vol d'oiseau, d'être plus grand que la nature, mais en même temps, savoir très bien que le territoire que j'observe est plus grand que moi. Ensuite, là, de pouvoir aller peindre des formes qui se retrouvent à être pratiquement de ma grandeur ou un petit peu plus grande, d'être en relation avec l'objet que je peins et en même temps sur un territoire qu'il faut parcourir. Donc, il y a vraiment cette notion-là de zoom in-out avec lequel j'aime beaucoup jouer. Là, ça me permettait, avec cette grandeur de territoire, d'être dans un jeu d'échelle, en fait, qui était vraiment fun. Oui, c'est ça. C'est vraiment un jeu d'échelle, de grandeur, grandeur nature, grandeur humaine, plus grand que nature aussi, justement, plus grand que nous. Puis, ce parcours-là, dans le fond, se fait sur le musée. Est-ce qu'il y a un sens au parcours ou on déambule tout simplement pour explorer les formes? En fait, je pense que le but, c'est de s'approprier le territoire d'une certaine façon, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de sens, il n'y a pas de notion de lecture qui est importante pour moi. Le but, c'est que ça devienne quelque chose de ludique pour montrer que le territoire, il y a quelque chose d'intriguant, en fait. Puis le but, c'est d'interpeller le visiteur et de lui dire, ben regarde, moi, je te livre une portion de ton territoire, c'est une portion de ton quotidien, donc une forme de ton quotidien, que j'extrais puis que je te redonne, mais le but, c'est juste de l'expérimenter, de le vivre. Puis après, peut-être de le faire réfléchir dans, une fois que la personne revient dans son quartier ou dans son environnement, de dire « Ah, là, je me rappelle, il me semble que cette forme-là, je l'ai vécue autrement. » Oui, bien, c'est vrai que quand on se rend du point A au point B, bien, on sait où on se rend, on fait ce chemin-là des milliers de fois, deux, trois fois par jour, des fois. Exact. On ne voit plus les choses. C'est vrai que de faire cette déambulation-là, ça nous permet de voir des nouvelles formes. Mais on se laisse pour une courte pause audio. C'est toujours l'album Alter Ego de Xela Edna. On écoute la piste Sous les néons et au retour de la pause, on continue à discuter avec Ilana Pichon. T'accroupis pour une nuit. J'en suis persuadée. Tu me feras danser. Oui, je suis la seule à tes côtés. Un samedi soir déjanté. J'ai clair. bienvenue à l'aérospatiale sur les ondes de CKRL 89.1. Toujours Myriam Leland au micro et toujours avec Ilana Pichon aussi. On parle de ton œuvre « Forme d'un quotidien » qui est dans le fond le résultat de ta résidence au Musée national des beaux-arts du Québec qui s'est terminée à la fin du mois d'août dernier. Mm-hmm. On parlait juste avant la pause musicale de ta démarche dans le fond pour cette œuvre-là, les recherches sur Google Maps, extraire un peu les formes du quotidien de chacun des quartiers de mm-hmm. Québec, puis de les transposer sur un parcours qui fait à peu près un demi-kilomètre tout ouais. autour du musée pour recréer cette boucle-là qu'on fait quand on fait une marche sans but, un peu quand on déambule. Oui, exact. Puis là, j'ai dû te couper pendant notre petite pause parce qu'on avait une conversation tellement intéressante, puis j'avais envie qu'on la partage avec les auditeurs parce que je te parlais de ton parcours en architecture. Oui. Puis je me demandais, ben je le vois un peu, mais j'avais envie que tu nous parles un peu de comment ce parcours-là en architecture teinte ta démarche ou en tout cas influence tes préoccupations artistiques. Mm-hmm. Alors, en effet, j'ai étudié l'architecture à l'Université Laval. Je suis allée jusqu'à la maîtrise. J'ai complété ma maîtrise. J'ai travaillé un tout petit peu, mais j'ai préféré retourner au studio. C'était plus, c'était plus dynamique et stimulant pour moi. Mais ça influence vraiment beaucoup ma pratique. Il y a une structure en architecture et une manière de construire les choses. C'est même dans les mots, c'est vraiment présent. Qui est encore là puis qui le sera toujours. Je pense que c'est aussi ça qui est intéressant. Et en fait, j'ai, je pense, un souci de répondre à un espace. En architecture, on a cet apprentissage-là, c'est-à-dire qu'on observe les caractéristiques, on essaie de comprendre comment fonctionne l'environnement immédiat et d'implanter quelque chose qui est en réponse à ça, d'une bonne façon, en fait. Ah oui, c'est vraiment intéressant. J'avais jamais pensé à l'art in situ comme ouais. ça, mais c'est exactement le même processus. Voilà. Fait que moi, je le fais comme ça. Je peux pas enlever ça, là. C'est instinctif. OK. Fait que ça... En général, il y a toujours un côté qui est intéressant quand on crée l'œuvre, c'est-à-dire si on n'est pas encore sur le site, on va essayer d'avoir le plus de caractéristiques qui deviennent, ben, qui sont qualifiées de contraintes, on va dire. En architecture, en tout cas, c'est des contraintes, mais ces contraintes-là, en fait, nous permettent de construire la bonne réponse. Fait que moi, j'ai besoin de ces contraintes-là. En fait, si on me dit, t'as pas une page blanche, je vais presque paniquer. Oui, ces particularités territoriales-là que tu mentionnes dans exactement. Ta démarche. Exactement. C'est aussi pour ça que je fais de l'Institut. Moi, chaque projet est vraiment une réponse. Souvent, les gens vont regarder une œuvre comme forme d'un quotidien pour faire ben, c'est beau, c'est des belles formes simples, pleines de couleurs, c'est très joyeux, mais tu mentionnais qu'il y avait, pour toi en tout cas, plusieurs couches de sens justement que, par exemple, quand on voit un genre de loupe qui peut symboliser justement un cul-de-sac, ben, je vais te laisser nous en parler en fait, justement, qu'est-ce que ça symbolise pour toi, une forme comme ça par exemple? Ben, en fait, c'est des extraits de territoire qui sont très particulier. Quand on les regarde vu du ciel, il y a nécessairement un contexte qui vient autour. Donc, le cul-de-sac, par exemple, qui a un giratoire au bout, c'est-à-dire une boucle, va nécessairement avoir des maisons qui sont réparties autour en éventail, en fait. Mm-hmm. Et ça nécessite... cette implantation-là, en fait, elle appelle à une certaine architecture en général. Moi, je pense que toutes ces caractéristiques-là sont très claires pour moi, mais ça reste ce que je trouve intéressant, c'est que là, peut-être que les gens vont être curieux d'aller voir sur Google Maps. Faites-le, en fait, même quand les gens vont se promener, des fois, ils font « Ah, j'ai vu une rivière, ou j'ai vu ça, ou il y a une piscine là », puis aller le voir d'en haut, c'est vraiment le fun de découvrir son territoire vu du ciel. Et je pense que, en fait, ces singularités-là, on les retrouve à plusieurs endroits dans la ville, dans différents quartiers, mais ça montre vraiment les différentes dynamiques qu'on peut avoir dépendamment où on se trouve dans la ville. D'avoir un pattern, excusez l'anglicisme, mais un pattern qui se répète dans plusieurs quartiers, mais qui est implanté de manière différente. Par exemple, dans chaque quartier. Parce que c'est sûr qu'on a des particularités géographiques à la base qui vont faire en sorte que c'est pas tout le temps implanté de la même façon, mais on a certaines manières de construire qui sont typiques ici en Amérique du Nord. Il va y en avoir des différentes en Europe ou en Asie, mais ça reste que, justement, ces singularités-là, moi, en tout cas, ça, vous allez l'entendre dans ma voix, mais il y a vraiment quelque chose qui est vraiment quelque chose d'intéressant. J'aime ça survoler puis comprendre comment le Tetris il s'est construit, en fait. C'est ça, oui. Puis c'est d'un point de vue sociologique aussi, ça peut être super intéressant de voir comment des quartiers comme, par exemple, dans la Haute-Ville de Québec, mm-hmm. qui est plus riche, plus anglaise aussi, mm-hmm. comment cette partie-là de la ville peut être construite, puis comment dans un quartier plus ouvrier, par exemple, comme des quartiers de la Basse-Ville, mm-hmm. on va essayer de maximiser l'espace, ouais. de rentrer le plus de personnes possible dans un espace, puis on mm-hmm. le voit jusque justement dans l'architecture, dans l'urbanisme. Oui. Comme les ruelles à Limoilou, par Exactement. Exemple, en Roche. Mm-hmm. Ça, il y en a ici. Est-ce que c'est ça? Parce que il y en a ici. Ce que les auditeurs voient pas, en fait, c'est que il en a apporté ses papiers, ses dessins, ses documents de travail. Puis, justement, il y a différentes formes comme ça. C'est là-dessus qu'on se base pour nos conversations. Mm-hmm. Puis, moi, j'avais remarqué le genre d'échelle qui ressemble à une couture de ballon de football. Mais moi, ça me fait penser à un stationnement oui. aussi. Alors, c'en est un. Ah. Et ici, sur ce dessin-là, c'est vraiment, je pense que la référence à la couture du ballon est vraiment parfaite. En fait, c'est une partie du territoire qui est couverte par des stationnements à Québec mm-hmm. dans beaucoup de zones différentes. Je ne vais pas les nommer, mais ça reste que quand on les voit d'en haut et qu'on... Moi, je trouve que graphiquement, en fait, c'est un super beau langage. Maintenant, qu'est-ce qu'on a en arrière? Qu'est-ce que ça amène comme réflexion? C'est nécessairement un stationnement, donc une masse d'asphalte, donc du réchauffement climatique. Enfin, il y a plein de choses qui viennent derrière. Mais ça reste que j'aime beaucoup ludiquement pouvoir amener les personnes à réfléchir. C'est pas... J'aime ça, amener de la couleur, amener mm-hmm. une réflexion qui soit d'une certaine façon simple et en même temps esthétique, mais qui, dans le fond, amène à réfléchir sur dans quoi on vit, ouais. comment est-ce qu'on le vit, notre espace, puis comment il est fait. Oui, c'est ça. Dans le fond, pour toi, c'est peut-être moins un statement de « ça, c'est beau, ça, c'est laid », plus une réflexion, justement, sur, ben en effet, les stationnements, ben c'est chaud, ça mm-hmm. pue, c'est laid, ça encourage le... Ça le déplacement oui, en voiture, c'est ça, exactement. Ce genre de choses-là. Mais il y a aussi un autre point de vue à y avoir, sans nécessairement prendre position. Peut-être que tes œuvres suscitent plus la réflexion. Oui, oui. Oui, ben, oui parce que c'est comme ça qu'on a été... construit pour réfléchir, je oui, pense. C'est ça. Mais merci beaucoup, Ilana Pichon, de nous avoir parlé de ton œuvre « Forme d'un quotidien » qui est encore visible au Women Back. Jusqu'à ce qu'il y ait de la neige dessus. Jusqu'à ce qu'il y ait de la neige dessus. Peut-être le verra-t-on le printemps prochain. Donc, c'est une œuvre éphémère à une durée indéterminée selon la volonté des éléments voilà. et de Dame Nature. Donc, vous pouvez aller déambuler, profitez-en à l'automne, mm-hmm. profitez justement du confinement, déconfinement pour faire des petites boucles comme ça puis interpréter le territoire à votre manière. Nous, on se laisse pour une pause audio. On écoute Velours et Caviar toujours de Xéla Edna de son album Alter Ego. Et on retourne la pause, mais c'est déjà la fin de l'émission. On vous fait un petit agenda de la semaine et on se dit au revoir. Sur les C'est déjà la fin de l'aérospatiale sur les ondes de CKRL 89.1. On vous fait un petit agenda de la semaine qu'on n'a pas eu le temps de faire la semaine dernière. Donc, il y a la présentation de la résidence virtuelle Souviens-toi que tu es poussière et que tu redeviendras poussière de Sylvia Piggy à la Chambre Blanche. Donc, la présentation est un 5 à 7 le 17 septembre prochain. Il y a l'exposition Éclipse obscurcir révélée qui marque la 4e édition de l'événement organisé par le comité d'exposition des étudiants en histoire de l'art de l'Université Laval. Donc l'exposition est présentée jusqu'au 9 octobre prochain à la salle d'exposition du pavillon Alphonse Desjardins. On a également l'exposition Les gestes flottent, s'empilent et éclatent qui est présentée par les commissaires Florence Agathe Dubé-Moreau et Maude Johnson au Centre Regard jusqu'au 8 novembre prochain. Il y a la montée des eaux dont on a parlé en début d'émission, l'exposition dans les fenêtres du quartier Saint-Jean-Baptiste se déroule jusqu'au 13 octobre. Il y a le parcours théâtral du 25 et 26 septembre. Malheureusement, c'est déjà complet, mais vous pouvez quand même admirer les œuvres dans les fenêtres jusqu'au 13 octobre. Il y a Claudie Gagnon qui est à la Galerie 3 jusqu'au 11 octobre. Francis Arguin avec Remplir les conditions qui est au Centre Le Lieu jusqu'au 4 octobre prochain. Flâner de Tania Morand au Centre d'exposition Louise Carrier jusqu'au 7 octobre prochain. Et finalement, il y a le Mois des galeries aussi qui se déroule tous les samedis du mois de septembre dans le Vieux-Port de Québec. Donc, il reste encore samedi prochain et l'autre d'après pour visiter les galeries participantes dans le Vieux-Port de Québec. C'est ainsi que se termine cette édition de l'Aérospatiale. Comme à chaque semaine, vous pouvez rattraper l'émission en balado-diffusion sur notre page web. C'est aussi le meilleur moyen de savoir ce qui se passe dans l'actualité des arts visuels à Québec, puisqu'on garde un agenda à jour sur ce même site web. Vous pouvez également nous suivre sur notre page Facebook et sur Instagram. Un grand merci à Gentilhomme La France pour l'animation en studio ce soir. Merci à Alice Gricola-Gagné et Mélina Kéroa de les Tyroliennes Saint-Jean-Vienne. Merci à Ilana Pichon ainsi qu'à notre chroniqueur Jean-Michel René. Un merci tout spécial à notre Turner de la mise en onde qu'on avait si hâte de retrouver en studio cette semaine encore, Jacques Gignac. Merci. Donc on se laisse sur une dernière piste de l'album Alter Ego de Xela Edna et on vous dit à la semaine prochaine!